Stephen King aime les G.I. Joe, Stephen King aime les armes thermonucléaires, Stephen King a écrit Petit Soldat et Brian Henson l'a adapté. À tous et toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, salut. Salut. Comment vas-tu ? Chaudement, mais ça va. Ouais, de mon côté aussi, même si c'est plutôt en fin d'après-midi que ça se réchauffe. C'est dans 2-3 heures, moi, que ça va atteindre vraiment des températures difficiles à supporter. Ouais, moi, ça commence déjà un peu quand même. Du coup, question, parce que Stephen King aime les G.I. Joe, mais est-ce que John Lasseter, réalisateur de Toy Story, aime bien Stephen King, du coup ? Ah, je ne sais pas, il faudrait demander. Si ça se trouve, Toy Story, c'est une adaptation de Petit Soldat, mais juste un peu éloigné, quoi. Très, très éloigné, oui. Ouais. Des actus, il n'y en a pas trop. Si, il y a Life of Chuck qui est très bien reçu, décidément, depuis sa sortie. Ouais, donc, effectivement, bon. Tout le monde en dit du bien, vraiment. Ouais, j'ai vu passer quelques retours un peu plus divisés, disant que le film prenait les spectateurs pour des cons, donc moi, j'ai déjà hâte. Mais voilà, les retours sont plutôt positifs. Arrête de faire ta mauvaise tête. Ouais, voilà, c'est ça, je vais arrêter. Et sinon, bah, pas grand-chose de nouveau. Hein. On attend toujours les autres qui devraient sortir au cours de l'année. Ah, il y en a quand même 3, je crois, pour la fin d'année. Il y a Running Man. Ouais, il y a Running Man, il y a Marche ou Crève. Ouais, Marche ou Crève. Il y en a pas. Il y a la série Welcome to Derry, normalement. Ah oui, exact. Bah, il y a la série The Institute qui arrive aussi bientôt. Ouais, effectivement. Pas mal de trucs finalement. Ouais. Et il y a toujours la série Carrie par Flanagan, toujours qui est en cours de développement. Donc oui, on est content. Voilà, c'est ça. J'avais oublié ça. Ouais. C'est vrai, et c'est pas comme s'il y avait déjà eu 3 films, quoi. Oui. Bah, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Puis bon, une série, quoi. Tellement la flemme. Grave. Bon, bah plutôt que de râler, je propose qu'on y aille pour Petit Soldat. Ouais, parce qu'on est des râleurs invétérés quand même, donc effectivement. Donc Petit Soldat, c'est une nouvelle très courte, on va la spoiler, mais vraiment la nouvelle, elle fait 15 pages hein, maximum. Hein, donc voilà, et c'est parti. Donc la nouvelle nous raconte l'histoire de Renshaw, un tueur à gages qui vient de tuer un fabricant de jouets pour des raisons qu'il ne connaît pas, et en rentrant chez lui, il trouve un set de guerre du Vietnam des G.I. Joe qui a été envoyé par la mère de sa dernière victime. Sauf que les soldats à l'intérieur sont vivants et il y a un combat acharné qui va se déclarer entre le tueur à gages et les petits soldats. La nouvelle, j'ai pas beaucoup d'informations dessus, encore une fois, comme elle est vraiment très courte, en fait, bah, elle est plutôt traitée comme une nouvelle anecdotique, et on en parle peu, mais elle a été publiée en septembre 72 dans le magazine Cavalier, comme souvent au début de King, avant d'être recueillie dans Danse Macabre quelques années plus tard. Et c'est vraiment tout ce que j'ai sur la nouvelle, hein, quand je disais court, voilà. Tu vas pouvoir donner ton avis. Eh ben dis donc. Écoute, nouvelle anecdotique peut-être, mais nouvelle efficace, en tout cas, ça c'est sûr. Ça se lit très très bien, hein. C'est bien rythmé, ce qui s'y passe est plutôt amusant finalement. C'est une nouvelle fun, voilà en fait, c'est ça le mot. C'est fun, c'est plutôt jouissif, la conclusion est satisfaisante, genre vraiment. Ça se termine, tu peux avoir un sourire sur le visage avec la conclusion qui est vraiment... qui est plutôt rigolote. Puis voilà, c'est vraiment une nouvelle très très cool. Je sais pas quoi dire d'autre, ça dure 15 pages, donc au bout d'un moment c'est compliqué d'en dire réellement plus. Ouais, je suis d'accord. Il y en a plusieurs, je trouve, dans Danse Macabre qui ont un peu cet esprit-là, un peu pulps au final. C'est tout à fait le genre de nouvelle où on sent l'influence que peuvent avoir les BD Creepshow ouais, c'est ça. Et compagnie sur King, parce que ça pourrait tout à fait être Danseur Malin. Bah, Brume, n'importe quoi. Danse Macabre, clairement, toutes les nouvelles que tu lis, C'est un mélange entre les contes de la crypte, la quatrième dimension, c'est tout ça, quoi. C'est vraiment une grosse inspiration. Des petits récits courts qui sont pas développés, même si certains, on aimerait bien qu'ils le soient plus. Mais c'est du grand spectacle. Et effectivement, c'est drôle. Le fait que le personnage principal soit un tueur à gages et donc quelqu'un d'antipathique, ça fait qu'on s'amuse en fait à le voir galérer et s'en prendre plein la gueule pendant toute la nouvelle. C'est ça. Et en effet, la fin est bien trouvée et elle est très drôle. Une conclusion explosive, n'est-ce pas ? Oui, ça. Oui, bah, de toute façon, on spoil, hein, donc on peut le dire. La fin, c'est que dans ce set particulier, guerre du Vietnam, il y a une mini-bombe nucléaire qui est fournie. C'est ça, c'est... Et c'est vendu genre en mode « Et en cadeau, attention !» En cadeau exclusif. En cadeau, un bazooka, parce que ça aussi, c'est pas annoncé dans le set de base. Oui, effectivement. Un bazooka et une bombe nucléaire. Le tueur le signale d'ailleurs que le bazooka n'était pas indiqué. Oui, parce que la nouvelle a beau être sans dialogue, on nous énumère quand même les pensées du personnage. Ouais, c'est ça. Moment. Mais seulement à quelques moments, le reste du temps, il y a une narration plutôt distante et plutôt froide sur lui, je trouve. Le but est vraiment pas qu'on le prenne en pitié, pour le coup. Ah oui, non, clairement pas. Ni lui, ni les jouets, d'ailleurs. Hein. Parce que les jouets, par contre, à aucun moment, on a leur feedback à eux. Oui, voilà, c'est vraiment des jouets maudits, a priori, qui ont subi quelque chose, on peut supposer, de la part de la mère de la victime. Oui, une quelconque magie ou quoi, mais voilà. Ils n'ont pas de personnalité, c'est ça que je voulais dire. Donc ouais, ils voilà, ne parlent pas, et voilà. Limite, Christine est plus personnalisée, quoi. Oh bah, Christine l'est même beaucoup, pour le coup, vu qu'il y a quasiment une histoire d'amour. Oui, voilà, vu qu'elle éprouve de la jalousie, de la colère, de la vengeance. Christine l'est beaucoup plus, par exemple. J'aime bien justement que la nouvelle ne prenne pas le temps de justifier quoi que ce soit par rapport à pourquoi les jouets sont vivants. On peut le supposer, on peut le deviner assez facilement, mais il n'y a pas de justification ou d'explication qui nous est donnée. C'est comme ça et on a juste à l'accepter, quoi. Ouais, la seule explication qu'on a, c'est pourquoi ce sont des jouets. Parce qu'au début, dans les pensées du tueur, il nous fait comprendre qu'il revient d'une mission où il a été payé pour tuer... un créateur de jouets, tout simplement. Ouais, c'est ça. Le propriétaire d'une grande firme de fabrication de jouets. Et puis voilà, quoi, il l'a exécuté, et basta, et là, il retourne à son hôtel, et c'est tout. Et d'ailleurs, la seule ligne de dialogue, c'est le réceptionniste en bas qui lui dit « Attendez, vous avez reçu un paquet pour vous, tenez. » Donc, le fameux paquet, c'est la boîte de G.I. Joe. Ouais. C'est l'unique et seule ligne de dialogue de toute la nouvelle. Et d'ailleurs, il me semble que la nouvelle s'ouvre, d'ailleurs, sur cette ou quasiment, effectivement, ça vient très tôt, parce qu'après, il est tout seul pendant toute la nouvelle. Ouais. Mais il y a quand même l'idée que les jouets sont intelligents, hein, parce qu'à un moment, il lui demande de se rendre avec le message qui glisse sous la porte. Oui, c'est vrai. Surrender. Ce qui en fait des jouets peu réalistes, parce que ça fait des soldats qui savent écrire. Bon, normalement, voilà. Mais... Ah la vache. On va dire que ça passe par la suspension consentie de l'incrédulité. Oui, c'est ça. Mais voilà, effectivement, vu que c'est très court, il n'y a pas grand-chose à en dire, je pense. Effectivement. Si ce n'est que c'est une bonne nouvelle, mais comme beaucoup de nouvelles de Danse Macabre, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et celle-là, je pense que même à l'échelle de Danse Macabre, ça doit être la plus courte ou une des plus courtes. Hein. Vous passerez vraiment un quart d'heure à la lire. Hein. Oui, clairement. Donc, on vous la conseille. Ouais, il me semble que la plus courte, c'est une que je n'ai pas encore lue, que je vais lire bientôt. C'est L'homme qui aimait les fleurs. Je crois que j'ai vu qu'elle fait 8 pages. Ah oui, peut-être, effectivement. Mais on n'est pas extrêmement loin, quoi. Oui, voilà. Bah, je propose qu'on passe à l'adaptation, dans ce cas-là. Eh ben, allons-y. Donc, l'adaptation de cette nouvelle, elle est dans la série Rêves et cauchemars, et c'est donc le 8e et dernier épisode que nous traitons dans cette émission. Nous aurons terminé la série après ça. Alors qu'il s'agit du premier épisode de la série. C'est marrant. C'est le premier épisode diffusé. C'est rigolo comme hasard. Et ils avaient mis un petit peu les petits plats dans les grands pour ce premier épisode parce que, alors on va retrouver une partie de l'équipe familière, mais à la réalisation et au scénario, ce sont deux personnes qui n'ont bossé que sur cet épisode. Puisque le réalisateur, c'est Brian Henson, le fils de Jim et Jen Henson, donc qui sont liés au fameux studio Henson, voilà, au fameux Puppet. Et donc, c'est le président actuel de la Jim Henson Company, d'ailleurs. Il a lui-même été marionnettiste, c'est un des principaux animateurs, je crois, sur la bouche de la plante dans la petite boutique des horreurs. Ah, ok. Et lui-même, justement, est impliqué sur pas mal de films et de séries Muppets. Il est marionnettiste de certains personnages, et il a été réalisateur, par exemple, du film Carnage chez les Muppets. Carnage chez les Muppets. Attends, le film me dit quelque chose. J'en ai vu pas mal, hein, des films Muppets, j'aime bien. Je suis plutôt fan. Alors, c'est Carnage chez les Puppets, pardon, le titre, et c'est celui avec Melissa McCarthy. Ah oui, du coup, c'est la comédie... C'est la comédie un peu barge. Je ne l'ai pas vu. Du tout inspiré du Muppet Show. Ah ouais, ça n'a pas de lien. Je croyais que c'était quand même inscrit dans les Muppets. Il me semble pas. Il me semble que ça n'a pas de lien avec le Muppet Show. D'accord. Ou alors, vraiment, ils sont totalement partis en couille. ce qui se pourrait, effectivement. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu, du coup. D'accord. Mais toi, oui, tu conseilles plutôt la série Muppets. Ah bah même certains films, toi tu parlais de la série du Muppet Show du coup, mais le Noël des Muppets par exemple, c'est vraiment un très très bon film. Oui, effectivement, celui-là je le connais, et ouais. Ils ont refait une version de L'île au trésor aussi, qui est plutôt sympa, alors j'ai oublié le titre exact. Alors les Muppets le film, voilà, La Grande Aventure des Muppets il est cool, Noël chez les Muppets, bon, il est très bon, bah c'est tout simplement L'Île au trésor des Muppets, tout simplement. Ouais, ils se sont pas cassés la tête quand même. Hein. Non, effectivement. Du coup, c'est lequel ? C'est Muppets Most Wanted, je crois, qui est vraiment cool. Opération Muppets, qui est sorti en 2014, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je sais plus si c'est les Muppets Le Retour ou Opération Muppets, qui est vraiment sympa. Je ne sais plus lequel des deux j'ai vu. Mais bref, les films Muppets, globalement, sont plutôt qualitatifs. D'accord. Voilà. Et le côté marionnette fait, je trouve... que ça vieillit beaucoup moins bien, beaucoup mieux, justement, que d'autres films familiaux de cette époque. Ouais, oui, nettement. Ouais, il suffit de se dire dans la tête, bon, bah, c'est des Muppets, c'est des marionnettes, forcément, je vais voir les fils et tout, parce qu'ils s'en foutaient de les cacher, finalement. Et voilà. Bah, c'est ça, c'est... Quand ça assume la technique, au final, ça peut quasiment tout se permettre, et les marionnettes, c'est pas une technique qui vieillit... Enfin, c'est pas une technique qui va connaître des évolutions de dingue au cours de l'histoire. Oui, clairement pas. Donc, y a lui là-dessus, donc, qui est un habitué des effets spéciaux. Et au scénario, il y a Richard Christian Matheson. Alors, c'est le fils du Richard Matheson que tout le monde connaît. Oui, de l'écrivain. Ouais, et on en a déjà parlé il y a très longtemps, parce que plus tard, il sera sur Big Driver en co-scénariste. Oui, exact. C'est là qu'on avait abordé, il me semble, sa carrière. Mais un très très grand écrivain... de SF, horreur, fantastique. Bah du coup le père oui, mais là c'est le fils qui est moins connu quand même. Oui, clairement. Enfin qui a fait des trucs quand même, mais qui est moins connu. Mais oui, le père Richard Matheson, bah c'est une influence assez importante pour King d'ailleurs, il en a souvent parlé. Oui. Et donc comme je disais, ces deux-là n'ont fait que cet épisode sur la série, et donc le studio de Jim Henson n'a vraiment travaillé que sur cet épisode-là dans la série, parce que bien entendu, il amène son studio pour travailler dessus. Le design des soldats a été créé, le design et le maquillage des soldats a été créé par Lee Romer. Il avait été un temps envisagé de faire de l'animation par ordinateur, mais ça convainquait beaucoup moins. En même temps, on est en 2004 et c'est à la télévision, donc effectivement. Disons que Crunch End nous a bien montré que heureusement, ils n'ont pas utilisé d'effets numériques. Lee Romer, le crédit précédent qu'il a sur IMDb avant Petit Soldat, c'est le fils du masque. Bon, bah voilà. Hein. Mais en réalité, il fait qu'un tout petit truc dessus. Et sur la page de son studio, qui est pas mise à jour depuis un moment, le site de son studio, j'ai l'impression. Parce qu'un des trucs pas mal mis en avant, c'est comme Chien et Chat, la revanche de Kitty Galore, et ça date de 2010. Ah oui. Et le dernier truc sur lequel est bossé le studio, a priori, que j'ai trouvé, c'est une attraction universelle sur la sorcellerie et la transphobie. Voilà. Je laisse deviner de quoi ça parle. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Voilà, ouais. Effectivement. C'est ouais. Voilà, c'est celui qui a des lunettes. Voilà, celui-là qui a des lunettes. On va dire. L'acteur principal est en fait pas très loin d'être le seul acteur de l'épisode, c'est William Hurt, un acteur né en 1950 et mort en 2022, qui commence sa carrière dans les années 70 au théâtre d'abord et assez peu de temps après au cinéma. Il gagne l'Oscar en 86 pour Le baiser de la femme araignée, que je n'ai pas vu. Je connais de nom, mais je ne l'ai pas vu. Et sinon, bah, c'est un acteur qui tourne pas mal au cinéma et à la télévision pendant toute sa carrière. On peut mentionner qu'il est dans History of Violence de Cronenberg, pour lequel il reçoit une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle, mais qu'il ne reçoit pas. Et il est, que j'ai vu il y a pas longtemps, dans Un divan à New York de Chantal Akerman, qui est une chouette comédie romantique. Voilà. D'accord. Et il joue un rôle dans le MCU aussi, un militaire appelé Rhys, je crois. Par contre, je me souviens plus du tout, mais comme je suis pas physionomiste en plus, j'avais pas du tout fait gaffe. Bah alors pour le coup, je me souviens pas du tout non plus de lui. Hein. Ça doit être un de ses rôles secondaires, tu sais, très interchangeables, mais qui te mettent d'un film à l'autre pour installer la continuité. Sauf que comme je les reconnais pas, pour moi, c'est à chaque fois de nouveaux militaires lambda dans chaque film, quoi. Oui. L'équipe technique, par contre, elle est constituée d'habitués de la série, donc on va pas vraiment y revenir. C'est Jeff Beal à la BO, qui livre, pour le coup, une de ses meilleures BO, mais en même temps, c'est aidé par le fait que l'épisode est muet. Donc, la musique a largement la place de se développer. Clairement. Elle est très importante. Ouais. À la photographie, il y a John Stokes qui, pareil, fait un travail plutôt chouette sur celui-là. Oui. Là aussi, je pense que ce qui aide, c'est que c'est à partir du moment où il rentre chez lui, c'est un décor unique. Et donc, ça permet de bien soigner la photographie sur un espace plus réduit. C'est ça. L'épisode, c'est effectivement le premier diffusé de la série le 12 juillet 2006. Et c'était deux épisodes diffusés par soir, et celui-ci, il a été diffusé en duo avec Crotch End juste après. Du coup, dès la première soirée, vous aviez vraiment toute la panoplie de ce que la série pouvait proposer en termes de qualité. Le meilleur et le pire. Voilà, c'est soirée, ça. C'est super. Il reçoit l'Emmy Award des meilleurs effets spéciaux, où était aussi nommé le Grand Bazar Final de la même série, et il est nommé pour le meilleur compositeur, mais sans le recevoir. Et dans les retours sur la série, c'est l'épisode qui a de très très loin la réputation d'être le meilleur de la série. En fait, quasiment tout le monde parle de cet épisode en le mettant parmi les meilleurs. Après, il y en a deux trois autres qui sont des fois cités, mais celui-là l'est vraiment systématiquement, en fait. Ouais. Au point qu'il existe un livre sur le making-of de cet épisode avec le script, le découpage technique de l'épisode. Ah ouais, mais c'est un truc collector qui coûte une blinde, donc je ne l'ai pas pris. Voilà. Oui. Non, mais c'est dire à quel point l'épisode est renommé, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait partie des trucs qui, je pense, peut-être dans quelques années, aura un petit statut culte parmi certaines personnes. Tu vois, comme peuvent l'avoir certains épisodes des Contes de la Crypte et compagnie. Oui. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir donner nos avis. Et donc, bah, vas-y, commence. Eh ben, écoute, je rejoins l'avis global pour dire que c'est clairement le meilleur épisode de la série. Je trouve ça... Déjà, énumérons le fait que c'est un épisode qui ose, parce que tout comme la nouvelle, il est totalement muet, et il le fait très très bien. J'aime beaucoup, on y reviendra, mais... les manières des fois dont il arrive à rester muet alors que d'autres personnages sont autour du protagoniste et toutes les manières dont il use pour rester muet, c'est très malin, bon, on y reviendra après. Visuellement, l'épisode est très propre, comme tu l'as dit, la photographie a vraiment de la gueule, et clairement c'est dû au fait que l'appartement dans lequel se déroule la majorité de l'action est vraiment super beau, quoi. Vraiment, en termes d'architecture, le décor est top. Il est top, et en plus de ça, alors qu'il est très moderne dans son visuel, mais il est pas moderne comme beaucoup de trucs un petit peu architecturaux qui essayent de se la péter, et où ça veut tellement faire plein de trucs que tu te perds dans le décor. Non, là c'est facile de se repérer, tu sais où est le personnage, tu sais où il évolue, voilà, c'est très malin en termes de design et d'architecture. Bah, l'acteur joue bien entendu, il ne parle pas, mais en termes de d'émotions, de douleur, de hurlements et d'envie d'en découdre avec les petits soldats, il s'en sort plutôt bien. Et visuellement, les petits soldats, alors il y a des fois quelques incrustes qui sont pas top, on sait que c'est on voit que c'est en fait des acteurs qui sont dans des costumes, qui sont filmés sur fond vert ou bleu, je ne sais pas, qui après sont intégrés directement à l'image. Des fois ça se voit, mais globalement, bah, c'est super bien fait, quoi. Ça rend vraiment très très bien. Voilà, du coup, je te laisse la parole. Oui, bah, je suis d'accord avec toi, donc je vais pas faire trop une redite. Comme tu dis, les effets spéciaux, il y en a où on sent que c'est des effets spéciaux qui datent d'il y a 20 ans, mais en même temps, je trouve que ça a quand même la... ça a le mérite de tenter des effets, notamment de régulièrement tenter de mettre sur le même plan William Hurt et les jouets, avec des plans vus, par exemple, depuis le point de vue des jouets dans l'hélicoptère, enfin, des trucs comme ça. Oui. Ça a le mérite de pas jouer trop la carte de la facilité et de vraiment essayer de faire des plans imaginatifs pour le divertissement. Vraiment, il y a des moments où c'est tourné de manière à ce que Earth, bah, du coup, ça soit une montagne, quoi, le gigantisme de l'être humain face à des jouets. Et à d'autres moments, bah, c'est l'inverse. C'est vraiment le côté tout petit des jouets qu'il affronte. Quoi. C'est très malin. Hein. Ces moments-là qui se répondent, en fait. C'est des plans qui se répondent les uns les autres. Il y a un côté très fun qui est entretenu tout du long avec plein de choses qui relèvent finalement du gag visuel. Que ce soit dans le combat contre les soldats en lui-même, ou même avant, avec par exemple la manière dont il a... Parce que là, on voit le meurtre qu'il fait au départ, on voit tout ça pendant un certain temps. Et la manière dont il attire le gardien dehors avec le téléphone, avec un compte à rebours, il y a un côté un peu amusant. Et un téléphone qui indique que quand c'est une bombe. Ouais. L'épisode a... joue sur un côté film noir au début, mais avec beaucoup d'humour, un côté presque parodique. Ça rappelle presque ce que Brad Bird a pu faire sur Mission Impossible 4 dans une certaine mesure. J'aime beaucoup cette ambiance quand lui a terminé du coup sa mission et a commis son assassinat, et que il retourne dans son hôtel, il prend l'avion et tout. Et en fait, tout le chemin du retour est parsemé de jouets qu'il a croisés dans l'atelier de sa victime. Les jouets sont au courant et le poursuivent un peu, ça donne une aura de mystère pendant toute l'introduction de l'épisode, c'est vraiment chouette comme ambiance. Oui, c'est ça, alors qu'en soi, on peut se dire que c'est lui qui est parano, parce que c'est assez logique qu'il croise des jouets d'un énorme fabricant de manière régulière dans un aéroport où il y a des enfants, quoi. C'est pas improbable en soi. Oui, le seul improbable, c'est qu'il y a un jouet à la réception de l'hôtel, quoi. Oui, ça, à la limite, ouais. Mais bon, tu sais, quand les gens oublient des trucs, des fois ça finit à la réception. Je me suis déjà retrouvé avec des trucs bizarres en réception. Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ? Non. Mais ouais, tout ce début est bien mené, alors que il est complètement rajouté. Je trouve que ça marche bien. Je trouve que le fait de pas avoir de dialogue, c'est très efficace. Et en même temps, c'est pas utilisé trop comme un gimmick. C'est assez intelligemment utilisé. Oui, c'est comme je le disais, du coup, c'est utilisé, par exemple, dans l'avion, lui, il a ses écouteurs. Et la personne à côté de lui veut lui demander un chewing-gum. Bon, vu qu'il a des écouteurs, elle lui mime le fait qu'elle veut lui prendre un chewing-gum. C'est ce genre d'artifices qui sont utilisés, mais du coup, c'est malin parce que, comme tu dis, ça donne pas un côté gimmick. Et pour pareil, il y a dans l'aéroport avec les news qui annoncent la mort du fabricant de jouets, que le cadavre a été retrouvé. Et comme dans les aéroports, il y a un boucan pas possible, effectivement, tout est sous-titré, donc c'est logique qu'on puisse lire les sous-titres sur la télévision. Donc ça en joue plutôt intelligemment, et à partir du moment où il se retrouve seul chez lui, de toute façon, c'est plus logique qu'il ne dise rien et qu'on n'ait pas une voix off qui aurait été intrusive. Wink wink, la voix off de chambre d'autopsie. Oui, c'est ça. Les deux ont fait l'opposé l'un de l'autre, il y en a un qui a osé l'autre. Ça. Effectivement, le décor de son appartement est cool, avec un ajout majeur par rapport à la nouvelle, c'est celui de l'espèce de bassin intérieur qui lui permet de faire des longueurs. Il a vraiment du pognon. Ça paye bien, hein, tueur à gage. Ah oui, en même temps. Je devrais peut-être me reconvertir. Pas besoin de lire des romans pour être au courant que ça se paye bien, quoi. Ouais, faut oser le faire. Oui, bof, tu sais, c'est bon, hein. Un peu de courage, tu sais, c'est comme dit Macron, il faut faire ce qu'on veut, faut faire tous les efforts possibles, tu vois, pour travailler. Oui, c'est ça. Par contre, pour être tueur à gage, je sais pas si traverser la rue, ça suffit. Hein, mais... à mon avis, ça dépend de la rue, pour le coup, ouais. Oui, voilà, ça dépend du quartier dans lequel tu te trouves. C'est ça. Non, mais oui, l'appartement est vraiment super beau, quoi, et en plus, vraiment bien mis en valeur par la réalisation et par la photographie, encore une fois. Ouais. Ça va le filmer vraiment comme un espace de combat, comme un lieu de guerre que ça devient. Donc c'est vraiment intelligent. C'est vraiment fun. J'aime beaucoup ces petits effets. Au début, il ouvre la boîte, voilà, il constate le cadeau. Bon, il sait pas ce que c'est. Après, il va dans la cuisine, il me semble, pour se servir un truc. Ouais. Il entend du bruit. Et là, tu sais, t'as des petits flashs lumineux qui sortent de sous les meubles. En fait, c'est les soldats qui lui tirent dessus, mais c'est... L'effet est vraiment rigolo, ça fait vraiment gag visuel, quoi. C'est oui, c'est ça. On met un bon moment avant de les voir vraiment, les soldats, hein, de toute façon. Oui, et ça, j'aime beaucoup le... On sait ce qui se passe, mais ça décide quand même de jouer un peu sur le mystère. Oui, bah, c'est aussi une bonne technique pour finalement garder assez peu de plans à effets spéciaux et donc pouvoir mettre plus d'argent dessus. D'argent et de temps. Et lui-même, il y a un moment du coup où il tire mais vraiment comme un dératé sur son canapé avant de le virer et il s'attend vraiment à trouver quelqu'un quoi sous le canapé. L'acteur joue vraiment bien la surprise de bah qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Pourquoi il y a des jouets là-dessous ? Et par contre, ce plan-là est vraiment très bien fait. Hein. L'incrustation, je trouve qu'elle ne saute pas aux yeux. Quand on voit les soldats qui se mouvent sur le sol, qui sont blessés, qui cèdent entre eux... Oui. Ouais, ce moment-là est bien fait. Ce plan rend très très bien. J'aime bien aussi, alors que dans la nouvelle, à peu près tous les jouets sortent en même temps, dans l'adaptation, il y a quelque chose de plus progressif. Par exemple, les avions, ils arrivent pas mal plus tard que les premiers fantassins. Et du coup, ça entretient une montée de la tension avec les soldats qui déploient des armes de plus en plus dingues tout au long de la nouvelle contre lui. Tout au long du récit contre lui, il y avait un peu ça dans la nouvelle avec le bazooka qui arrivait, mais c'est encore plus marqué, je trouve, dans l'adaptation. Oui, ça y va beaucoup plus crescendo, effectivement, dans l'épisode. Jusqu'au final où, là, c'est carrément un commando spécial, quoi. Un soldat commando. C'est ça, fin, il affronte Rambo, quoi. Et vraiment, la scène... où ils se regardent tous les deux dans les yeux, où ils sont vraiment face à face, enfin face à face lui avec sa hauteur de petit soldat. Quand ils sont dans l'ascenseur, c'est vers la fin de l'épisode, donc il essaie de fuir en prenant l'ascenseur, le commando s'infiltre. On sait pas en fait à ce moment-là ce qui se passe, parce qu'on pense que tous les soldats sont finis. Ouais. On voit le panneau avec les boutons de l'ascenseur qui vole en éclats, donc on comprend que quelque chose se passe. Et là, vraiment, il y a le soldat commando qui est éclairé, en plus, avec une lumière un peu tamisée, parce que du coup, il n'y a plus vraiment de lumière dans l'ascenseur. Ça rend vraiment très très bien, quoi. Et les deux se regardent et ont un regard totalement fou. Et là, encore une fois, je trouve que ça joue sur quelque chose. À la fois, c'est joué très sérieusement par les acteurs, et à la fois, il y a toute une dimension comique, parce que, le commando, il mesure 10 cm maximum, quoi. C'est ça. Il y a ce plan où il se suspend au fil de l'ascenseur et où il se regarde à travers la grille, qui est à la fois très drôle et en même temps, sens que le gars est menaçant. Mm. Mais ça a été une bonne idée de créer une scène qui aille dans un espace encore plus réduit pour l'affrontement final, parce qu'effectivement, un soldat de commando seul dans tout l'espace de l'appartement, il aurait été moins dangereux. Ah bah oui, clairement. Et on voit que lui est beaucoup plus menaçant que les autres... que les fantassins de base, quoi. Oui. Bah surtout qu'il est déjà bien blessé, le tueur, quand arrive ce moment-là. Hein, parce qu'il y a l'idée que les tirs sont des tirs plutôt limités pour la plupart, parce que c'est des tirs de petits soldats. Mais il s'en est pris tellement qu'il s'affaiblit au fur et à mesure de la nouvelle. Et il y a bien cette idée visuelle qu'il a de plus en plus de pansements, de plus en plus de blessures. Et que donc il est pas bien déjà quand il arrive dans l'ascenseur. Mais le commando a une ultime surprise après sa mort... Après sa mort, qui, c'est un jouet, donc ça va, mais qui est, sinon, totalement gore. Oui, il se fait écraser la tête entre les portes de l'ascenseur, c'est drôle. Voilà. Après, c'est de faire défoncer les bras, parce qu'il essaye de retenir les portes de l'ascenseur à bras. Ça serait une créature vivante, ça aurait été une scène vraiment gore, quoi. Mais du coup, le fait que ça soit un jouet, c'est plutôt drôle. Et sa surprise, c'est ce qui permet de reconnecter avec la fin de la nouvelle... Globalement, on peut dire que, à part l'addition de cet acte dans l'ascenseur, l'adaptation suit quand même fidèlement la nouvelle. Oui. C'est juste que ça développe beaucoup plus le meurtre initial, parce qu'il faut bien tenir 50 minutes, mais sinon ça suit largement la nouvelle, et la fin reconnecte avec. Ça amène du plus vraiment réussi, quoi. C'est ça qui est chouette. Oui, c'est ça. À aucun moment tu te dis « Ah, cette séquence-là, elle sert à rien, elle est là pour rallonger la durée, quoi ». Ouais, non. C'est ça, parce que ça arrive assez à renouveler ses idées et à bien exploiter son principe pour être fun tout du long, ouais. Et donc, la surprise du commando, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est que c'est une bombe humaine, finalement. Oui, voilà. Il a un dispositif nucléaire dans son sac à dos. Ouais. C'est radical quand même, hein, le dispositif nucléaire dans le sac à dos. C'est, wow. Ah oui, effectivement, oui. C'est bourrin comme kamikaze quand même. Hein. Disons que quand tu vois le moment, tu te dis, ah mais quand... pas possible qu'il n'y ait que lui qui meurt, quoi. Il doit y avoir des victimes dans cet immeuble, c'est pas possible. Ouais, mais c'est un immeuble de gros riches, ils ont probablement tous fait quelque chose de mal à un moment. Ah, s'il faut, c'est tous des tueurs à gages, finalement. C'est au moins tous des millionnaires, t'as vu les penthouses ? Oui, effectivement. Donc bon, ça va, c'est pas très grave. Il n'y a pas de prolétaire qui meurt, à part peut-être le gardien. Tant pis. C'est vrai. Mais donc voilà, je pense que... on peut conclure que c'est effectivement le meilleur épisode de la série. Bah ouais, on sera d'accord, on verra où on le classera, mais on est d'accord que c'est nettement le meilleur de la série et qui mérite sa réputation. Ouais. Et que l'avoir diffusé en premier, à la fois c'est malin d'un point de vue commercial pour faire rester les gens, et en même temps c'est presque de la publicité mensongère. Hein. C'est vrai, surtout alors qu'il y a ta Crunch End juste derrière, quoi. Ouais, c'est ça, surtout quand t'enchaînes sur Crunch End, effectivement. Ah, la gueule de la soirée, quoi. Ouais. Alors, il ne va pas y avoir de rubrique comparative de scène, parce que l'épisode étant entièrement muet, bah, c'est diffusé comme ça, en audio, ça n'aurait pas tellement d'intérêt, en fait. Vous auriez juste de la musique et le bruit des armes. C'est ça, sinon on peut vous passer un extrait de Toy Story, hein, mais bon, je pense que vous allez vite comprendre qu'on vous prend pour des cons. Voilà, ouais. Bon, déjà que, en temps habituel. Voilà. Mais à la rigueur, on aurait pu diffuser un extrait de Small Soldiers, mais bon. Ah oui, c'est vrai. À la limite, ouais, c'est vrai. Mais on a quand même une petite rubrique bonus, parce que figurez-vous qu'il existe une autre adaptation de Petits Soldats, dont nous allons parler très rapidement. Tiny soldiers with little guns, two tanks, no bigger than your thumb. L'autre adaptation de Petit Soldat, elle date de 1986, c'est un court-métrage d'animation qui dure 10 minutes, qui s'appelle Sradzeni. Je pense que la prononciation n'est pas bonne du tout, parce que c'est une adaptation soviétique, plus précisément dans un studio d'Ukraine. Elle a été produite par un studio appelé la Kievnok Film, un studio fondé initialement en 1941 à Kiev, donc en République socialiste soviétique d'Ukraine, dans le but de produire des documentaires et des films éducatifs scientifiques, mais qui, à la fin des années 50, a ajouté l'animation à son bagage et va en faire une partie importante de son activité, puisque le studio a produit, sur pas mal de décennies quand même, mais a produit plus de 300 courts-métrages d'animation. Il a été à une époque assez actif, sous forme de cours seulement, parce qu'il y a une période où il sortait plusieurs centaines de films par an. Ah oui, quand même. Le studio n'a pas fermé, mais il a muté, puisqu'il s'est divisé maintenant entre l'Ukrainima Film et la Cinémathèque Nationale d'Ukraine. Ça s'est fait en 93, suite à la chute du bloc soviétique. Et en réalité, ça peut paraître improbable, mais Petit Soldat n'est pas la seule adaptation de nouvelles SF ou fantastiques d'auteurs occidentales qui est fait. Le studio, en fait, c'est quelque chose qui faisait assez régulièrement avec des auteurs russophones et soviétiques, mais aussi avec des auteurs occidentaux, voilà. D'accord. Le réalisateur, il s'appelle Mikhail Titov, et je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui. En fait, il n'a pas réalisé énormément de films, il en a fait 4, je crois, en tant que réalisateur. Il est plutôt dans l'équipe animation, en général, là, sur un peu plus d'une trentaine de films. Et cette adaptation de Petit Soldat, c'est son deuxième court-métrage en tant que réalisateur. D'accord. Mais sinon, je ne trouve pas vraiment d'informations sur celui-ci. En même temps, des informations sur le cinéma soviétique, je ne sais pas où chercher, ça n'a pas dû aider. Peut-être qu'il y en a quelque part, mais voilà. Et c'est disponible sur YouTube. Oui. Il y a très peu de dialogues, et au pire, vous pouvez activer les sous-titres automatiques qui vous donneront une vague idée de ce qui se dit. Donc ça se voit oui, très enfin, facilement. Après, la majorité des dialogues, c'est surtout une voix qui lit le texte anglais pour le traduire en russe, quoi. Oui, aussi, il y a le texte anglais en fond, mais du coup, on n'entend pas bien avec la voix qu'il y a en russe par-dessus, je trouve. Voilà. Mais du coup, c'est une adaptation qui arrive très peu de temps après la parution de la nouvelle, c'est marrant. Bah, ça dépend. S'il l'avait lu dans la version Cavalier, c'était 72 quand même, donc il y a 14 ans qui sont passés. Ah oui, oui, c'est vrai. Après, par rapport à sa version dans ce macabre, oui, il y a moins d'écart, effectivement. Est-ce que le magazine Cavalier, je pense pas qu'il soit disponible en Ukraine? Ouais, non, je ne pense pas. Je ne sais pas si ça se trouve. Ils ont fait un voyage, j'en sais rien. Mais donc, on va pouvoir passer à nos avis sur cette version-là. Qu'en as-tu pensé ? Bah, c'est plutôt cool. Visuellement, c'est plutôt sympa. Alors, je sais pas si c'est... J'ai pas réussi à cerner si c'était vraiment de l'animation traditionnelle ou si c'était de la rotoscopie. Donc, tu sais, cette technique qui consiste à redessiner à la main par-dessus de la prise de vue réelle. Parce que autant les petits soldats font très dessin, eux, traditionnels, mais autant le personnage qui joue le tueur, lui, fait très rotoscopie en termes de visuel. J'ai pas réussi à le cerner. Mais quoi qu'il en soit, bah c'est cool. C'est un petit court-métrage de 10 minutes. Ça fait vraiment bien le taf. C'est bien rythmé. Visuellement, c'est vraiment sympa. Non, franchement, c'est plutôt cool. Ouais, c'est fun. Alors, on sent que c'est une toute petite équipe avec pas un énorme budget. Mais du coup, l'animation, des fois, s'en fait ressentir. Mais il y a plein de moments où ça joue intelligemment de son style visuel, notamment en ayant tendance à pas mal exagérer les proportions. Oui. Donc, c'est assez fun à ce niveau-là. Ça suit fidèlement la nouvelle. Comme l'adaptation de Rêve et Cauchemar, ça rajoute quand même la scène du meurtre. On l'a au début. Oui, exact. Après, oui, j'adapte fidèlement. On a tout. Hein. On a l'arrivée, on a l'affrontement, on a même la salle de bain avec le petit mot qui lui demande de se rendre. Ouais. Bon, ça, c'est pareil dans les deux adaptations. Même ouais. Le coup de la serviette utilisée pour abattre les avions, c'est dans les deux adaptations. Oui. Là, finalement, l'ajout le plus notable, c'est que dans les armes qui vont l'attaquer, il y a un satellite, à un moment, un satellite mitrailleur. Oui, oui. Qui est assez cool. Très cool aussi la manière dont il s'en débarrasse. Ouais. En allumant une allumette, foutant l'allumette dans un paquet d'allumettes et il le balance dessus. Les jeux, sont clairement pas des G.I. Joe, ils ont un aspect beaucoup plus enfantin, en fait. Ça fait vraiment jeu d'enfant, ce qui renforce le côté humoristique, je trouve, oui. du court-métrage. Avec le tueur qui, comme tu dis, lui, est un peu plus réaliste, fait un peu plus rotoscopie. Mm. Il y a quelque chose d'assez absurde à le voir comme ça attaqué par les jeux. C'est ça. Les soldats ont un design très... le petit personnage... souviens-toi, c'était comme ça que se représentait un peu Akira Toriyama. Ah oui, petit personnage, effectivement, avec une ouais. espèce de masque à gaz, un peu déformé sur le visage. Ça m'a fait penser ouais. à ça. Je me suis dit, putain, il se fait attaquer par des mini Akira Toriyama, c'est rigolo. J'aimerais pas, hein, moi. Mais oui, j'avais pas fait le lien, mais t'as raison. Et bah voilà, il y a une musique pure années 80, pour le coup, avec des grosses synthés, du saxo. Elle m'a plutôt fait rire, la BO. Ouais. Oui, elle est marrante. Mais on vous conseille d'aller le voir, c'est une bonne curiosité. Et bah ça marche bien en duo avec l'adaptation Rêve et Cauchemar. Bon, les deux prennent la nouvelle pour ce qu'elle est, donc pour une nouvelle plutôt comique. C'est ça. Et plutôt on joue bien. Ouais, voilà, c'est ça. Puis encore une fois, c'est que 10 minutes. Hein. Oui. Bon voilà, si t'as rien à ajouter, je pense qu'on va pouvoir passer au classement. Nous pouvons passer au classement. Alors, comme d'habitude, le classement, je vais m'occuper du classement des livres, tandis que mon camarade Issam va s'occuper des adaptations, donc films, séries, télé. En termes d'écrits, nous en avons actuellement 65, les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de Lisée, tandis que les 5 derniers sont La Nuit du Loup-Garou, Dr Sleep, Le Cinquième Quart, Grand Chauffeur et Les Tommyknockers. Ou classé Petit Soldat, qui va aller à l'encontre d'un très bon classement pour Petit Soldat, finalement c'est sa taille, hein. Il développe pas grand chose. Oui. Petit Soldat c'est quand même mieux que Poids Lourd, hein, si on fait un comparatif avec une nouvelle du même recueil. Oui, c'est plus fun. Plus fun. Et tu vois, du coup c'est là que ça commence à, bah, malheureusement, le fait que ça soit court, fait qu'il va pas aller bien haut. Parce que le fait que ça soit bien mieux développé, bah, le croque-mitaine, c'est mieux. Donc ça peut pas aller au-dessus, déjà. La nouvelle, le croque-mitaine, elle est pas si développée que ça. Hein. Elle est très courte aussi. Hein. Ah, voilà. Elle est très courte, mais il y a quand même du potentiel. Oui, il y a du potentiel, mais c'est plus dans le film qu'il est utilisé le potentiel. Oui, c'est pas faux. Non, mais très vite, en fait, au-dessus du croque-mitaine, t'as des... d'autres nouvelles pareilles dans ce macabre qui sont bien mieux, même en tant que nouvelles. Poste de nuit, clairement, je la trouve supérieure. Oui, là, d'accord. Ouais, là, on est d'accord. Et même le grand bazar final, peut-être. C'est vraiment avec le croque-mitaine que j'ai le doute, pour le coup. Par contre, je préfère quand même Petit Soldat à Salle d'autopsychiatre. Oui, ça, oui. Du coup, au-dessus ou en dessous de croque-mitaine? Oh, si tu veux au-dessus, ça me va. Hein. Oh, au-dessus de croque-mitaine, ça me va. Ok. Petit Soldat devient le nouveau 44e. C'est cela. Et au niveau des films, il y a 103 films classés pour le moment, œuvres classées pour le moment, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Astrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Mann et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Et c'est de la merde, et voilà, et puis il n'y a rien d'autre de prévu cette semaine, désolé. Ouais, la qualité baisse, hein. La qualité des services, c'est plus que c'était quand même. Ah oui, je sais bien, mais bon. Le manque de temps, que veux-tu ? Ouais, ouais, il y a toujours une bonne excuse. Donc, bah, comme on l'a dit, déjà, de toute façon, c'est le meilleur épisode de la série. Donc, on peut déjà regarder où est classé l'actuel meilleur, qui est La Dernière Affaire d'Omney, de Rob Bowman. Et il est 41e, La Dernière Affaire d'Omney. Ok. Donc déjà, ce sera au-dessus de ça. Ouais, effectivement. Ça fait déjà économiser plus de la moitié du classement, quand même. Oui, déjà. The Mist, ça me perturbe toujours autant que ce soit là. Mais... Oui, bah c'était un compromis, quoi, The Mist, ouais. Il a fallu couper la poire en deux. Quoi qu'il en soit, du coup, je préfère quand même Petit Soldat au journal d'Hélène Rainbauer, à La Tempête du siècle, au cimetière, au Rose Red, même au Carrie de Kimberly Pierce. Oui, oui, moi je suis un peu plus haut parce que je le... Bah, tu vois, je le préfère à The Mangler de Tobe Hooper, vu que The Mangler de Tobe Hooper, il y a des scènes qui sont vraiment réussies, mais il y a quand même pas mal de moments assez osef, quoi. Et puis c'est également d'ailleurs une nouvelle de Danse Macabre. Oui, effectivement. Autre comparatif avec une autre nouvelle de Danse Macabre, je préfère quand même La Créature du cimetière. Oui. J'aurais du mal à aller au-dessus de la 24e, par exemple. Ouais, ouais, je pense que ça va être vraiment la limite maximale. Je suis en train de réfléchir par rapport à des films qui sont dans le même état d'esprit, à savoir Darkseid et Quicksilver Highway, parce qu'ils ont tous les deux un peu cet esprit creepshow et des trucs d'anthologie. Et je pense que pour le coup, je préfère... Le problème de Darkseid, c'est qu'il faut vraiment oublier le dernier segment qui n'est pas du King et qui est le meilleur du film. Ouais. Bah, c'est un peu vrai de Quicksilver Highway aussi, d'ailleurs. Ouais, mais le dentier claqueur, ça va, c'est quand même dégueulasse. Mm. Bon, le chat noir non plus, hein. Le chat dans Darkseid, c'était bien. Hein. Mais je pense que je préfère quand même Petit Soldat, tu vois. Ouais. Entre Running Man et Darkseid ? Ouais, allez, en dessous de Running Man et au-dessus de Darkseid. Donc voilà, nous en avons fini avec la série Rêves et Cauchemars, et donc bah, si vous voulez la voir, vous saurez que vous aurez des trucs qui vont de Petit Soldat de Brian Henson, qui est à la 26e place pour nous, donc qui est plutôt une chouette adaptation, à Crouch End de Mark Haber, qui est à la 95e place, donc qui est plutôt une mauvaise adaptation. Oui, effectivement. Mais après, si vous voulez tout tenter, c'est vous qui voyez. Et nous allons donc aussi classer Sraceni, même si je sais toujours pas comment ça se prononce. Donc, celle-là, à quelle place tu la verrais, toi, comme adaptation ? Écoute, c'est très court. Pas non plus mettre ça à des hauteurs stratosphériques. Non, certes, effectivement. Mais bon, hein, pas mieux que, au hasard, Les Enfants du Diable. Pas mieux que toutes ces merdes infâmes à la 71e. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça, là, on commence à être dans les vraiment très très mauvais trucs. Ça dure que 10 minutes, mais je préférerais quand même revoir ce court-métrage que Les Vampires de Salem, lol. Ouais, j'étais en train de réfléchir, bon. Mais... Vampire de Salem, il n'est pas bon. Mais effectivement, ouais. Il est donc à la 51e place, les Vampires de Salem. On est déjà bien remonté quand même. Hein. Mais là, après, on commence... Je pense que je le préfère à Cimetière 2, tu vois. Avec le cobaye, ça se discute, pour le coup. Après, on commence à arriver vers les trucs un peu qui ont un peu d'intérêt. Bah, c'est ça, là, on commence à avoir des vraies qualités. En fait, ça dépend beaucoup de l'affection qu'on a pour le cobaye, en partie. C'est ça. T'en as plus que moi, quand même. Ouais, bah, si tu veux que ce soit au-dessus du cobaye, ça me gêne pas. Hein. C'est... La nuit déchirée, c'était chiant, quand même. Ouais, c'est vrai que la nuit déchirée, oui, je confondais avec les ailes de la nuit et je me disais que c'était dans le moins bas, mais oui, du coup, oui. Ouais. Du coup, peut-être que c'est mieux que Désolation aussi. Entre Le Grand Bazar et Désolation, moi, ça me va. Hein. Parce que c'est. On est. Ouais, ça me va aussi. Au niveau des choses qui ont des qualités, mais là, en même temps, c'est tellement court que bah, tu peux pas non plus. Voilà. Ouais, c'est. Les trucs plus longs ont vite plus de qualité. Oui, c'est ça. Et puis, bah, bon, on est quand même sur des trucs qui sont plutôt pas mal. Hein. Donc, bah, il prend la nouvelle 45e place entre Le Grand Bazar Final de Michael Salomon et Désolation de Mick Garris. Nous en avons donc fini avec Petit Soldat. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour parler de la nouvelle Mémé et de son adaptation Merci, sortie en 2014. Ok. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi sur Blue Sky, @chrislostales sur Blue Sky également pour moi. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, j'ai une chaîne L'Archiviste du Cinéma où je parle surtout de ciné asiatique. Sur Twitch, toi t'essaies de reprendre un peu plus régulièrement sur la chaîne The Lost Tales. Ouais, ouais, avec du Just Talking et des ouais. Trucs un peu posés, quoi, voilà. Ouais, voilà, pour bah, qui demandent peut-être moins d'organisation, c'est ça l'idée ? C'est ça. Et qui peuvent être faits sur une durée choisie s'il faut couper, enfin voilà, c'est plus pratique. Oui, c'est plus facile à contrôler qu'une partie de jeu, quoi. Souvent avec des intervenants, justement, pour faire du Just Talking, oui. Histoire d'avoir un peu d'interaction. C'est ça. Donc n'hésitez pas à passer écouter tout ça. Ouais, n'hésitez pas à venir passer une tête. Ouais. Et en attendant, n'oubliez pas... Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.